Kanyangi. Nous sommes lundi 3 janvier, madame, monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Vol par cybercriminalité, 250 millions de francs burundais à la banque commerciale du Burundi, Bankobu. 4 individus déjà arrêtés, dont 2 employés de cette banque, regrette l'administrateur directeur général de la Bankobu. Le ministère de la Santé prolonge d'un jour la campagne de dépistage COVID-19 pour les élèves internes en commune Lumongue. On vous parlera de cet homme, un ancien militaire, sous les verrous pour avoir tiré en l'air avec un fusil volé à un poste policier de la localité. Et en page chronique sportive de ce lundi, on vous parlera de la diminution de la qualité du football burundais avec Jean-Gilbert Kanyenkore, alias Yaoundé, un ancien entraîneur. Bonjour et bienvenue. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par Eli Kadogo. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, page sécurité. Pour débuter cette édition, la police burundaise a présenté à la presse lundi 4 personnes, dont 2 employés de la banque commerciale du Burundi, Bankobu. Les 4 sont accusés de vol par cybercriminalité de 150 millions de francs burundais des caisses de cette banque à la fin de l'an 2021. Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions, appelle les banquiers et toute autre personne victime de la cybercriminalité d'alerter la police. Attend, on l'écoute. En date du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, la police a mis la main sur une bande de criminels qui a commis une cybercriminalité en vol d'un montant de 150 millions à la banque commerciale du Burundi, Bankobu. Le vol a été commis le 28 décembre 2021 et en complicité avec certains agents de cette banque. Et la police a appréhendé ces criminels au moment où ils avaient déjà retiré 98 millions de francs burundais et ils s'apprêtaient à retirer le reste de 150 millions. Les faits se sont passés de la manière suivante. Le 28 décembre 2021, un informaticien de cette banque avait déjà installé une application dans 3 machines des agents de cette banque, une application qui permet aux informaticiens extérieurs à la banque qui se trouve à l'extérieur de la banque, d'entrer dans l'application et de faire des opérations comme les retraits. Ils ont profité de l'absence d'un agent de cette banque. Ils l'ont surveillé, ils sont entrés dans sa machine à partir de l'application et ont fait ces opérations de vol de 150 millions à distance. Et après la commission de ce crime, la police l'a reçu et elle a commencé l'enquête. L'enquête qui a abouti à l'arrestation des autres complices. En tout, 4 criminels présumés ont été appréhendés. À partir de ce cas, donc, nous voudrions informer le public que la police nationale du Burundi est outillée pour pouvoir faire face à la cybercriminalité. Le cas le plus législatif, c'est celui-là même. Mais aussi, nous voudrions alerter encore une fois la population sur ce cas de cybercriminalité parce que la police reçoit beaucoup de plaintes en rapport avec des crimes qui sont commis à partir de nouvelles technologies de l'information. L'enquête est maintenant terminée ici au niveau de la police judiciaire. Le dossier va être déferlé à la justice pour qu'elle puisse faire les étapes suivantes. De son côté, l'administrateur directeur général de la Bankobu déplore la participation de 2 de son personnel. Trinitas Girukwishaka apprécie toutefois le rôle de la police pour qui a arrêté ces individus qualifiés de criminels. La banque Bankobu a subi un crime. 150 millions ont été volés dans nos caisses. Nous l'avons appris le même jour et nous avons tout fait pour dénoncer ce crime auprès des services habilités. La recherche a été réussie. C'est grâce à la puissance de Dieu. Nous avons pu attraper les criminels et nous avons pu récupérer une grande somme qui avait été volée. Nous remercions vivement le ministère chargé de la sécurité publique parce que dès qu'ils ont été avertis, ils ont tout fait, ils ont travaillé d'arrache-pied pour attraper ces criminels, mais aussi pour pouvoir récupérer l'argent parce que l'argent était toujours dans leur poche et nous avons pu encaissé une grande somme de cet argent. Nous remercions vraiment aussi le personnel de la banque qui a averti à temps la direction générale et aussi les services chargés de la sécurité qui ont intervenu. Vraiment, le travail qu'ils ont fait en cette journée de fin d'année, c'est vraiment un travail louable. Ils ont travaillé toute la nuit et nous avons été, ils nous ont annoncé qu'ils ont pu attraper les criminels. Ils sont dans les cachots de la police et une grande somme d'argent a été récupérée. C'est vraiment une occasion de donner un message au personnel de la banque pour qu'ils puissent travailler vraiment comme il se doit. Parce que le crime qui a été commis à la banque au bout, ce n'était pas seulement les gens de l'extérieur. Il y avait une complicité interne, comme nous l'avons déjà vu. Il y a deux de notre personnel qui ont été attrapés. Trinitas Girukwishak, administrateur et directeur général de la Banque Obo, dont les propos ont été recueillis par Moïse Misago. Toujours en parle sécurité, un homme habitant Mibanda, commune et province Rumonge, dans les mains de la police judiciaire depuis le soir de ce dimanche. Nichima et Terence a été arrêté à Moussavé vers 17h de ce dimanche après avoir tiré en l'air 6 balles d'un fusil. Pris en toute clandestinité à l'antenne policière de la place, des balles tirées en l'air après avoir manqué la cible constituée de sa femme et de ses beaux-frères, selon la police de Rumonge, qui indique que des enquêtes se poursuivent pour connaître les mobiles de ce conflit. À 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivant cette édition par cette page santé, le ministère burundais de la santé publique prolonge le délai de dépistage au COVID-19 pour les élèves internes et le personnel scolaire. C'est jusque demain, mardi 4 janvier. La déclaration est du ministre de la Santé ce lundi lors d'un point de presse. Cette campagne avait coïncidé qui allait du 31 décembre à ce lundi 3 janvier a coïncidé avec la célébration de la fête du Nouvel An, explique Dr Sylvie Nzeimana, ministre burundais de la Santé. Poursuivons cette édition. Le réfrigérateur de la morgue de l'hôpital de Kirundo est en panne depuis 2 jours. Certaines familles qui avaient les leurs dans cette morgue disent éprouver des difficultés d'enterrer les leurs à l'improviste. Et le directeur de l'hôpital de Kirundo, Dr Serge Ndikubgayo, tranquillise le point avec Agnès Naumagadze. Ce réfrigérateur a la capacité d'accueil de 8 personnes, comme l'indique le docteur Serge Ndihokubgayo, tout en signalant que depuis le matin de ce dimanche, ils ont constaté que ce réfrigérateur ne fonctionne pas normalement. Le docteur Serge informe qu'ils ont vite donné un communiqué à ceux qui ont les leurs dans cette morgue jusqu'à hier soir, où il restait 3 corps. Certains parmi ceux qui ont les leurs dans cette morgue affirment qu'ils ont eu des difficultés pour pouvoir les enterrer avec dignité, surtout que c'était très urgent pour faire part aux proches pour les soutenir dans ces moments. Selon la même source, cela a occasionné d'autres dépenses suite à cette improvisation d'enterrement. Certains affirment avoir quitté le cimetière dans la nuit vers 20h et d'autres disent qu'ils ont préféré acheminer les leurs dans d'autres provinces proches de Kirundo, qui sont Muyinga et Ngozi. Le docteur Serge informe que le maintenancier de l'hôpital a essayé de réparer ce réfrigérateur, mais ça n'a pas donné un bon résultat. Il tranquillise ceux qui sollicitent les services de l'hôpital Kirundo que ce problème va être résolu incessamment parce qu'un technicien en provenance de Bujumbura pourra arriver ce lundi pour réparer cette panne. Signalons que certaines familles continuent d'enterrer les lèvres qui étaient dans cette morgue. Aujourd'hui, ceux qui ont fréquenté ce lieu disent qu'ils sentent mauvais odeur à cet endroit. De Kirundo, Agnès Namagadze pour la radio Isanganiro. Page justice de cette édition, seuls 2700 détenus sur 5000 qui avaient bénéficié de la grâce présidentielle ont été relâchés. Des chiffres insatisfaisants selon l'association Nabariza, militant pour les droits des détenus et de leurs familles. Jean-Marie Nshimirimana, représentant légal de cette association, appelle le ministère de la Justice d'appliquer sans délai l'annonce du président burundais Evariste Ndayishimiye du 31 décembre dernier dans son discours à la Nation. Et Jean-Marie Nshimirimana promet de suivre son organisation, promet de suivre de près les activités de la commission qui va être mise en place pour l'enregistrement de ceux qui vont être relâchés. Tout de suite, place à la chronique sportive de ce lundi. Radio Isanganiro, chronique sport. Les sponsors qui étaient prévus auparavant pour soutenir les formations sportives de footballeurs qui ne sont plus disponibles, c'est la raison principale plutôt de la diminution de la qualité du football burundais. Pour promouvoir le football au Burundi, Jean-Gilbert Kanyenkore, alias Yaoundé, ancien entraîneur, demande au gouvernement de mettre en application la loi sur le sponsoring pour que toutes les équipes de football puissent bénéficier des sponsors de façon équitable. La chronique sportive de ce lundi est signée Marie-Claire Kazenez. Les meilleurs footballeurs burundais qui quittent à la fin de chaque saison le pays pour aller jouer dans les championnats étrangers, telle est la raison principale de la diminution du niveau du football burundais. Explication de Jean-Gilbert Kanyenkore, alias Yaoundé, ancien entraîneur de l'équipe de Vitalo FC. Il y a eu beaucoup de perturbations dans notre pays, de façon que beaucoup de joueurs sont partis ici. Tu comptes les joueurs qui sont au Rwanda, qui sont en Tanzanie, qui sont au Congo, qui sont en Ouganda, qui sont même en Europe. Ils sont nombreux. Cela a fait aussi quand même une certaine diminution, parce que c'est toute une génération qui est partie presque en même temps. Il y a aussi même des dirigeants qui sont partis aussi, qui encourageaient le football, qui étaient footballeurs, qu'on ne voit plus. Donc, on a un certain stress qui fait que la progression ne sera pas très très rapide, mais il y a moyen, parce que après ça, il y a des jeunes gens qui sont nés ou qui étaient petits, qui sont devenus grands. À travers eux, le football peut toujours revenir. Le football se développe à l'intérieur du pays, car les amateurs investissent beaucoup dans leurs équipes par rapport à ceux de la mairie de Bujumbura. Le football n'est pas développé au niveau de l'intérieur. Ils viennent de naître à peine. S'ils continuent comme ça, c'est sûr qu'ils vont se développer, parce que même les joueurs de Bujumbura vont aller à l'intérieur. Ils donnent de l'argent. C'est pas comme ici. Et un joueur qui a un salaire de 100 000, 250 000, c'est pas de l'argent, ça. Attendre un mois pour avoir 100 000, se donner à 100%, c'est pas facile. Mais à l'intérieur, ils ont beaucoup de moyens par rapport à Bujumbura. Parce que les gens de l'intérieur ont compris qu'ils aident les jeunes. Ils s'y mettent. Ils mettent les moyens et tout va bien pour le pays. Cet ancien entraîneur de Vitalo demande l'implication de tous ceux qui ont les moyens d'investir dans le football. Il faut justement une conscientisation de tout le monde. Ceux qui ont les moyens peuvent s'y mettre et le football va aller de l'avant tout de suite. Donc c'est ça surtout. Il faut vraiment conscientiser les gens. Mais ceux qui sont conscientisés, on les voit déjà. À Ngozi, à Gitega, on voit quand même la différence. Et si ça continue un peu, ils viennent de commencer à peine. Et si ça continue un peu, vous verrez, on va tous applaudir. Jean-Gilbert Kanyenkore demande également au gouvernement de mettre en application la loi de sponsoring pour que toutes les équipes de football puissent bénéficier des sponsors de façon équitable. Merci à Marie-Claire Kazeneza. Poursuivons cette édition par cette page environnement. La protection des berges de la rivière Gasegni n'a pas duré. Lors des pluies, les maisons d'habitation sont inondées. Les habitants de cette localité en amont du bassin d'écrêtement de Tchalama demandent que des travaux d'urgence soient reprises. Le point avec Jean-Marie Mayong. La rivière Gasegni trouve sa source dans deux affluents, dont Rvoba et Nyaruhembwe, provenant des collines Gishingano et Kwigere, province de Bujumbura. Sur la RN1, on y voit de l'eau et de grosses pierres qui descendent et détruisent ce qui a été construit pour le passage de la rivière Gasegni. À quelques mètres, dans cette même rivière où on a réhabilité, on peut penser qu'il n'y a pas eu des travaux de réhabilitation vu la situation d'aujourd'hui. Les habitants de cette localité signalent que ces destructions sont dues aux grosses pierres venant dans les montagnes et une forte pression de l'eau. Ils demandent de tout faire pour placer les gens qui peuvent enlever à tout moment les pierres qui bloquent le passage des eaux. La rivière Gasegni, en 2013, a causé des dégâts en détruisant des maisons et les personnes y ont perdu la vie. Jean-Marie Mayonga, voilà 13h12 dans le studio de la radio Isanganiro. C'est s'achève. Cette édition me permettait de rappeler les grands titres. Vol par cybercriminalité de 150 millions de francs burundais à la banque commerciale du Burundi, Banque Obu. Quatre individus dont deux employés de cette banque ont été arrêtés, regrette l'administrateur et directeur général de la Banque au bout. Et le ministère de la Santé prolonge d'un jour la campagne de dépistage au COVID-19 pour les élèves internes et le personnel scolaire. C'est désormais du 31 décembre à demain, mardi 4 janvier. Et en commune Lumonge, on vous a parlé de cet homme, un ancien militaire sous les verrous pour avoir tiré en l'air 6 balles avec un fusil dérobé à un poste policier de cette localité. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Eli Kadogo qui assurait la mise en onde. Un très bon après-midi à tous. Au revoir.